Votre attention, s'il vous plaît. L'embarquement du vol 437 Unani Airlines à destination de Guadina, porte 666, va prendre fin. La passagère Kimberly Chattaz est attendue de toute urgence afin de procéder à la fermeture des portes pour un départ imminent. Écarte-toi, garçon, t'es pas de taille. V'là les flammes que dégage cette bad gal. Bad gal, bad gal. V'là les flammes que dégage cette bad gal. Jamais le nez dans la coque, calme le tout dans sa cocotte, la bad gal. Bien sûr, bien cellophane. Jamais le nez dans la coque, calme le tout dans sa cocotte, la bad gal. Bien sûr, bien cellophane. Là, il y a tout, tout, tout, tout part de la cocotte. Tout, tout, tout part de la cocotte. En mode tout, tout, tout, tout part de la cocotte. Tout, tout, tout part de la cocotte. Elle se parfume à la douane. Quand elle passe, la nationale à la dalle. Quand elle casse, la démarche, elle fout la rage. La tête dans les étoiles, gros cochon n'y voit que dalle. Elle sourit et elle trace à l'international. Elle en les soute, soute, soute. Elle en a rien à foutre, foute, foute. Elle sait que tout, tout, tout, tout part de la cocotte. Tout, tout, tout part de la cocotte. En mode chatte. Tout, tout, tout, tout part de la cocotte. Tout, tout, tout part de la cocotte. S'ouvre pas, level up, level up. Tout un stock à push up dans la jungle. Son business se développe, se développe. Jamais le nez dans la coque, elle met le tout dans sa cocotte, la bad girl. Bien sûr, bien cellophane. Jamais le nez dans la coque, elle met le tout dans sa cocotte, la bad girl. Bien sûr, bien cellophane. Tout, tout, tout, tout part de la cocotte.